Chouta la katoune ke bay scientifique. Yo jistique, femme ta la en l'air pour le fric. Anton dit que, monsieur Intel ou cherché par les flics. Mais où est le hic? Madame ou ka flex en l'air. Yo jistique, c'est ou ka promener les fesses à l'air. Anton dit que c'est en l'air, ça que il ka fait sa l'air. En plus de ça, il paraît que tu te fais sa mère. Ou ka prend tam tam, et puis les gars. Ou ka prend tam tam, et puis les gars. Ou ka prend tam tam, et puis les gars. Ou ka prend tam tam, et puis les gars. Oh, attends, je vais te dire quelque chose. On m'a dit un truc sur toi, mais tu vois, tu vas pas être content. Écoute ça. On m'a dit que, shoot à la katoune, que bail scientifique. Yo, j'y stick, femme t'a la en l'air pour le fric. Anton dit que, monsieur Intel ou cherché par les flics. Mais où est le hic? Madame ou ka flex en l'air. Yo, j'y dis que c'est ou ka promener les fesses à l'air. Anton dit que c'est en l'air, ça que il ka fait sa l'air. En plus de ça, il paraît que tu te fais sa mère. Ou ka prend tam tam, et puis les gars. En quartier à Rumio, t'as la ka fait des gars. Tout soirée à Saint-Laure que yo ka fait des bas. Tout le monde en carissa, mais qui moun qui dit ça? C'est ça que mon carton, bouc me bafon. Si ou j'venis, si on s'était tiqué ou ka fan. Il te le faut descendre, ou te le kaitan. Ou il comprend que, ou il savent.